ce qu'on a sur le cœur, que ce soit de l'amour, de l'haine, de la peur, vouloir se soulager sans vouloir blesser. Faites que celle-ci soit tendre et partagée. Ça c'est ou bien jeter en l'air, enfant du cœur ou de la colère.